par les champs et par les grèves, un voyage en Bretagne, de Gustave Flaubert et Maxime Ducamp. Chapitre 10. Au Louvre, dans la grande galerie entre un Rembrandt et un Netscher, s'épanouit une délicieuse toile de Gabriel Metsu, qui représente le marché aux herbes d'Amsterdam. Au premier plan, des vendeuses de légumes portant robes noires et béguins blancs, appuyant hardiment le poing sur la hanche, disputent le prix des pyramides de choux et des faisceaux d'oignons entassés sur des tables. Au-delà, au pied de quelques grands arbres, coule un canal où deux ou trois grandes barques enflent leurs voiles tendues sur les mâts. Derrière, enfin, s'élèvent des maisons zébrées de poutrelles. De hauts pignons surplombent la rue. Et les fenêtres, croisillonnées de petits carreaux, s'encadrent entre des madriers sculptés. On sent que derrière ces murailles de bois, dans des chambres où reluisent des pavés rouges, au coin d'un feu soutenu sur des chenets de cuivre brillant, la vie doit être chaude et grasse, pleine de longs dîners et de pensants amours couronnés de nombreux enfants. Ce tableau ressemble à Morlaix, car Morlaix est encore une bonne ville du XVIIe siècle. Lorsque nous arrivâmes, le marché s'étalait sur la place. Les paysans, en veste courte, en culotte bariolée, causaient haut et se frappaient dans la main. Les femmes, ornées de croix d'or au cou et de paniers aux bras, coiffées de toutes sortes de bonnets, endimanchées et de beaux jupons, marchandaient des oiseaux et achetaient des rubans. Çà et là s'entassaient des piles de souliers à semelles de bois, de sabots ferrés, d'assiettes peintes et de ces larges soupières de faïence enguirlandées de fleurs rouges dont les bonnes ménagères sont si friandes. Des bœufs marchaient lentement parmi la foule, s'émouchaient de leur queue coupée, s'arrêtaient devant chaque obstacle et meuglaient en allongeant le cou. Nous regardions tout cela avec étonnement, espérant à chaque minute voir paraître le bourgmestre ventru, avec son feutre noir enrichi d'une plume, son rabat empesé, sa canne à pomme d'ivoire et son justaucorps de velours à crever de satin. Mais un bateau amarré au quai de l'étroite rivière qui sort du port nous prouva que Morlaix n'était qu'un anachronisme partiel et nous rappela que maintenant il n'y a plus ni bourgmestre, ni échevin, mais seulement des maires, des députés et des sous-préfets. Chauffée par le soleil, la grande rue bruissait entre les deux haies de ses antiques maisons. Les rez-de-chaussée sont de larges enfoncements, soutenus sur des piliers et forment des galeries où des drapiers tiennent boutique ouverte sans devanture ni vitrage. À la hauteur du premier étage, sur des poutres grises crevassées de vieillesse, se tiennent debout et mutilés des bonshommes en bois. Pèlerins, grandes dames, moines, chevaliers, saints de tout paradis, immobiles depuis des siècles dans leurs raides vêtements, et immuables avec leurs visages carrément taillés. Aux moignons saillants des madriers pendent de longues bandes d'étoffes de toutes couleurs qui se balancent lentement au-dessus des réverbères. Les portes sont basses, cintrées, huchées sur deux marches et revêtues de gros clous luisants. À l'intérieur, de fins escaliers montent en spirale jusqu'au faîte. Des anges de vieux chêne s'agenouillent sur les balustrades. Des tarasques grimaçantes se tordent au moyen des degrés et des serpents s'enroulent autour de la rampe ouvragée. Sur les châssis, qui donnent jour au comble, les araignées ont filé leurs tentures toutes grisonnantes de poussière. Chaque maison, sous le toit avancé qui couvre son pignon pointu, est couverte d'une fenêtre étroite, au rebord de laquelle fleurit chaque pot de terraspic et de giroflée. On aime à voir ces petites croisées sombres et mystérieuses, non pour ce qu'elles sont, mais parce qu'on se rappelle qu'autrefois, dans d'autres pays, on a vu, derrière les vignes, festonner au-dessus des vitres, apparaître une bonne tête attachée d'un cou musculeux qui sortait d'une blanche chemise enfoncée sous un jupon rouge. Nous quittâmes la grande rue où longtemps nous avions laissé notre fantaisie s'accrocher à tout ce qui passait et nous montâmes dans le plus beau café de la ville. Nous y bûmes de la bière en regardant un jeune drôle de 5 ou 6 ans qui faisait l'exercice avec une queue de billard et manquait d'éborgner tout le monde. Puis nous nous rendîmes à la manufacture de tabac où nous vîmes des tabacs de toutes sortes coupés, pilés, cordés, empaquetés, ficelés, et des hommes pâles, jaunes, maigres, que brûle l'enivrante atmosphère au milieu de laquelle ils vivent. Je voudrais bien, pour donner une idée de mon savoir, vous parler un peu de l'histoire de Morlaix, mais ce serait un triste régal à vous offrir. À quoi bon, en effet, vous apprendre qu'elle a été prise, perdue, reprise, brûlée, encore perdue par les Anglais. Je vous dirai seulement que quand la reine Anne y fit son entrée, on la reçut sous un arc de triomphe qui, selon le père Albert, figurait sa généalogie, et tout en haut était une belle fille représentant sa majesté qui, en passant, lui fit une belle harangue. La ville lui fit présent d'un navire d'or enrichi de pierreries et d'une hermine apprivoisée, blanche comme neige, ayant au cou un collier de grand prix. Le petit animal reçu de la reine sauta dessus son bras sur son sein, ce dont elle s'épouvanta un peu, mais le seigneur de Rohan, qui se trouvait tout près, lui dit « Madame, que craignez-vous? Ce sont vos armes. » Le lendemain de bon matin, nous empilâmes dans un cabriolet de triste figure nos sacs et nos personnes à côté d'un conducteur qui fouetta son cheval et nous partîmes. C'était un dimanche et nous rencontrions des paysans qui marchaient par bandes en se rendant à la messe. Ce ne sont plus ces hommes âpres et vigoureux de Rospordin et de Quimperlé. Ce ne sont plus des Bretons bretonnants. Ce sont presque des villageois. Point de vestes galonnées, point de boutons brillants, point de rubans au chapeau comme ces sauvages de la Basse-Bretagne, point de ces longues chevelures qui pleurent sur les épaules, mais ce qui convient à des gens civilisés. Des cheveux ras, de larges vêtements de drap noir, de longs pantalons comme à la mode des villes. Les enfants sont propres, les femmes moins laides et plus peignées. Tout enfin s'éloigne sensiblement de la barbarie. Tout jusqu'aux traits du visage qui deviennent plus arrondis et plus doux. Au jour de marché, les paysans entrent volontiers au café pour conclure une affaire. Plus loin, à Rennes, ils remplissent les cabarets, et il doit en être ainsi, en effet. Le pays est riche et les débouchés faciles. Pourquoi les visages seraient-ils pâles et énergiquement désespérés? L'homme est-il forcé d'éventrer la terre pour se convaincre qu'elle lui est dure et insuffisante? Ou bien la mer l'emporte-t-elle au fond de ses abîmes, lui, sa barque et ses filets? Non, là le ciel est doux et il fait bon de vivre, car le blé pousse sans peine dans le champ prochain, et lorsque les nuits sont froides, on a bien vite arraché un fagot à l'arbre de la forêt voisine. La route s'usait sous les roues de notre voiture. Le soleil était chaud, nous causions et nous nous demandions « L'amour n'est-il qu'une curiosité ?» De grandes landes se montrèrent devant nous, sans buissons, sans maisons, sans brebis. Quelques rochers grisâtres les crêtelaient et leur donnaient en miniature l'apparence des sierras espagnoles. C'étaient les montagnes d'Arrée. Nous descendîmes une côte rapide, nous traversâmes le village de Bérien, où quelques paysans endimanchés jouaient aux boules sous des arbres devant l'église, et nous fûmes en vue de Huelguate. C'était un grand vallon couché entre deux coteaux boisés, frissonnants et lumineux. Le bourg s'assaillait au milieu avec les clochers de ses deux églises, son étang blanc de nénuphar, son moulin, son ruisseau desséché et sa large plaine de bruyères parsemée d'énormes roches à reflets d'argent. Nous mîmes pied à terre sur la place à l'auberge du Château d'Argent, dont l'hôte riait toujours et portait un bonnet de coton, et sans plus nous inquiéter des jérémiades de notre conducteur, qui se lamentait fort d'avoir brisé le marchepied de sa carriole, nous prîmes un guide qui nous conduisit à la pierre branlante. Elle branla. Après que nous eûmes cherché longtemps un point d'oscillation à grand renfort de levier, à l'effort de nos six bras réunis, il est vrai. Mais enfin, elle branla, et nous perdîmes enfin l'illusion de l'immobilité des pierres branlantes ou qui branlent, ainsi qu'on vous indique, dans un chapitre précédent. Autrefois, le lutrin de l'église de Huelguate s'appuyait sur un groupe de bois composé d'un jeune homme et d'une bacchante, vêtue du costume gaulois. Ces sculptures avaient violemment excité l'imagination des antiquaires, qui en concluait à outrance que les druides avaient mêlé le culte de Bacchus à ceux de Kirk et de Taran, dieux des vents et du tonnerre. mais il a disparu comme tant d'autres reliques, et peut-être a-t-il servi de bûche de derrière à la cheminée du curé de l'endroit. Donc, n'ayant plus rien à voir dans le bourg, nous en sortîmes en traversant un carré de choux domestiques qui se pommelait paisiblement de chaque côté d'un étroit sentier. Nous enjambâmes un espalier et nous rencontrâmes un petit ruisseau canalisé qui coulait à travers de grandes prairies. Nous le suivîmes. Des tas de foin coupés embaumaient l'air. De vertes demoiselles voltigeaient sur l'eau. On entendait dans les herbes le bruissement des scarabées. Il faisait doux et chaud. Nous marchions l'un devant l'autre, silencieux et comme pénétrés par les tendres émanations de la nature. Un bois s'ouvrait devant nous. Nous y entrâmes, et quand nous y fûmes entrés, nous ne voulûmes plus en sortir. Le terrain se creusait et rebondissait, doré par la mousse et treillagé de ronces et de lianes. Il n'y avait que des hêtres fins, jeunes, élancés, grappus et verdissants. Leurs feuilles luisantes tremblaient sur leurs tiges. Des oiseaux chantaient et étaient le seul bruit de la nature. Sur le sable du chemin, on voyait la trace des pieds d'un mulet. Le ruisseau babillait entre ses berges herbues, ridant ses eaux contre les grosses pierres, doublant le promontoire des vieilles racines, enfonçant ici, reparaissant là, écorchant ses rives et emportant quelques fougères qu'il emperlait de gouttelettes d'argent. Le soleil passait à travers le feuillage et blanchissait de ses taches lumineuses les arbres, le courant, les gazons et le sentier. C'était un dessous de bois comme Diaz en a fait souvent. Des rochers nous apparurent. Ils montaient les uns par-dessus les autres et dominaient un ravin où dormait une petite flaque d'eau. Ce lieu est terrible, car là s'élevait un château formidable, et du haut de ses créneaux, car Aès, que d'autres nomment Dahu, la fille maudite du roi Gralon, faisait précipiter dans le gouffre ses amants épuisés. Parfois, pendant les nuits d'orage, on entend leur voix qui brame sinistrement et demande une sépulture en terre bénite. On nous raconta aussi qu'il y a 10 ans, un chien tomba dans ce précipice, y resta 8 jours et en sortit, fort maigre. Au-delà du bois verdoie une prairie haute et vigoureuse. Elle descend en pente qui rejoint un petit étang, derrière lequel s'étagent quelques maisons. Nous nous couchâmes dans les grandes herbes, écoutant le bruit monotone d'un moulin à foulon et regardant les nuées blanches qui planaient dans le ciel. Je ne sais pourquoi, pendant que j'étais étendu ainsi sur le dos, je me pris à penser à la pointe du rat. Je revis les grottes livides et les écueils déchiquetés battus par la mer, tout en conservant la perception distincte de l'amoureuse nature qui nous environnait, et je me demandais quel était le puissant génie créateur qui avait engendré toute cette diversité. Cependant, le soleil baissait et devenait rouge. Nous partîmes pour regagner Huelguat. Longtemps, nous errâmes sans pouvoir trouver notre route, nous suivions les sentiers frayés, et nous tombions toujours dans quelques clairières ouvertes au milieu des bois, ainsi que des écoliers échappés du collège, nous franchissions le ruisseau, nous récitions des vers en marchant, personne ne passait, nous allions libres, le cou nu et les cheveux au vent. Ah, qu'il est bon de faire de tels voyages! Mais combien il est lamentable d'en être revenu! Depuis 2 heures, nous cheminions sans trouver d'issue à nos pas. Et comme ces Robinsons perdus dans les îles désertes, nous grimpions sur des rochers pour reconnaître notre but. Nous y touchions. Un taillis, une haie, un champ de bruyère, et nous atteignîmes le clocher. Nous y arrivâmes après nous être souvent retournés pour apercevoir encore ces bois où nous avions tout oublié. Le lendemain, vers 6 heures du matin, nous y passâmes de nouveau. L'air était froid et sentait bon, mais cette fois nous n'étions plus seuls. Et un guide nous précédait. C'était un petit homme chaussé d'escarpins, sautillant, sourd, ennuyeux, bavard, et qui parlait avec une voix grêle qui glapissait comme celle d'un castrat en colère. Il nous conduisait à la mine. Nous aurions voulu descendre un peu dans les entrailles de la terre pour voir l'effet des lampes dans les longs corridors humides. Mais comme monsieur l'inspecteur avait été la veille danser au pardon de Poulaouen, qu'il n'était pas encore revenu et que nous n'avions pas le temps d'attendre son retour, nous restâmes en plein air, et le ciel était si beau que nous n'en fûmes pas fâchés. mais nous allâmes voir, sous de grands hangars, des femmes qui lavaient une boue jaunâtre d'où s'étire l'argent et qui tamisaient une poussière violette qui devient du plomb. Nous étions accompagnés par un contremaître qui était fort savant et puel eau-de-vie. Il nous parla de cuivre oxydulé, de panabase, de pyrite cubique, d'aphanèse, de cyanose, de bezeline, d'arsenior, de nickel, et nous n'y comprîmes rien. 2 heures après, nous étions prêts à partir pour Carhaix, et nous fûmes mis dans notre chemin par notre hôte lui-même qui, pour nous saluer, souleva son bonnet de coton. En avant, le soleil dévore, nos bâtons sont légers dans nos mains, la sueur mouille nos habits, la poussière tourbillonne sous nos pas, les hêtres qui ombragent la route s'inclinent sans remuer leurs feuilles. Là-bas, à l'horizon, on voit de grandes lignes brunes qui sont des forêts et de larges plaines jaunes qui sont des champs de blé. Nous gravissons, nous descendons les collines, une rivière passe, nous y trempons nos pieds brûlants, nous mettons du chèvrefeuille à nos chapeaux, et derrière nous, un jeune homme court pieds nus pour entendre les chansons que nous chantons en marchant. Quand nous eûmes fait 5 lieues ainsi, nous entrâmes à Carhaix, la veste accrochée à nos sacs, plus fière qu'un capitaine sur la barque amirale, et terrifiant les bourgeois par la hauteur de nos allures. Après que nous eûmes passé auprès de la statue de la Tour d'Auvergne, que nous eûmes traversé la place de la Tour d'Auvergne, la rue de la Tour d'Auvergne, le boulevard de la Tour d'Auvergne, le cul-de-sac de la Tour d'Auvergne, après que nous eûmes regardé la maison où naquit la Tour d'Auvergne, et que nous ne fûmes pas entrés à l'auberge de la Tour d'Auvergne, nous arrivâmes à je ne sais quel hôtel, établi en face du cours, la Tour d'Auvergne. La statue de ce monsieur qui fut, dit l'histoire, un archéologue distingué, le premier grenadier de France et tué d'un coup de lance au combat d'Oberhausen, est dû au ciseau de Marochetti, le grand faiseur de notre temps, le même qui inventa les Philibert et Emmanuel, habillés de tuyaux de poêle et des madeleines enceintes, pour bien prouver sans doute qu'elles ne se repentaient qu'après leur faute et que malgré leur contrition, elles portaient encore le poids de leurs péchés. Le guerrier presse avec enthousiasme son sabre sur sa poitrine où brille l'étoile de l'honneur. Ses cheveux découvrent son front et se réunissent dans une petite queue qui se raidit sur la nuque. Les pans de son habit de bronze s'appuient lourdement sur des manuscrits à moitié déroulés, d'où nous conclûmes qu'il appelait le recueillement de l'étude parmi le tumulte des camps et qu'il rafraîchissait son front bruni par les durs travaux de Bellone dans les ondes limpides des sources d'Hippocrène. En somme, tout cela est triste, emphatique, bête. Nous nous arrêtâmes plus longtemps à considérer une méchante ébauche en bois oubliée sur un bahut dans l'église de Saint-Trémeur. C'est une madeleine en robe, petite, courte, grasse, enluminée de grosses couleurs, regardant avec des yeux hagards, arrondis sous des sourcils menaçants et ouvrant des mains démesurées au bout de ses vastes manches. Ses cheveux ondoyants et roux tombent autour d'elle, l'enveloppent jusqu'aux pieds et lui font un manteau qu'on dirait enlevé aux crinières des lions. Ça pue la bête fauve. Il y a là une sensualité monstrueuse et païenne qui fait penser, je ne sais pourquoi, aux femmes des Esquimaux qui mangent des poissons crus et laissent flotter leurs chevelures graissées d'huile sur leurs vêtements qui sont la dépouille des veaux marins. Devant l'église s'étend le cimetière. À l'épaisseur de l'herbe, on voit que les morts y sont à foison. Nous lûmes 3 épitaphes de notaires. Tous les 3, ils avaient été bons époux, bons pères, bons citoyens, et avaient emporté avec eux les regrets de leurs nombreux amis. Nous vîmes là pour la première fois l'emploi du paysage funèbre approprié au tombeau. Chaque sépulcre est enrichi d'une croix noire, et au point d'intersection de ses 2 bras s'arrondit un petit cadre, emblème d'une inconsolable douleur. Sur une terre d'un vert inusité s'épanouit un saule pleureur échevelé qui sanglote au-dessus d'un mausolée tragico-classique. Quelques oiseaux éplorés battent de l'aile dans des nuages de couleur saumon, et l'horizon se ferme par des montagnes désolées comme le cœur d'une femme sensible. « Oh, mes amis, quand je mourrai, prenez mon corps, allez en pleine mer, et là, laissez-le glisser lentement sur les plats-bords de votre navire jusqu'à ce qu'il disparaisse dans les flots, qu'il aille dans les palais sous-marins pour être mangé par les grands poissons à nageoires bleues, ou bien, je vous en conjure, jetez-le à la voirie afin qu'il soit dévoré par les chiens. Mais ne souffrez jamais qu'il soit renfermé dans une boîte, écrasé sous la terre, scellé par un marbre attristé d'une épitaphe. Avant de sortir, nous aperçûmes une tombe enfoncée dans les herbes. L'inscription s'effaçait sous la mousse. L'âge avait rongé la pierre et un grand églantier s'était couché dessus. Nous le regardâmes longtemps comme pour nous consoler d'avoir vu les autres. Après cela, il n'y a plus rien à Carhaix. Je me trompe, il y avait encore une voiture, sorte de cabriolet jaune non suspendu et couvert d'une capote en toile goudronnée. Nous allâmes la voir et nous fûmes imprudents jusqu'à la louer pour nous conduire le lendemain à Guingamp. Quand l'instant fut venu, nous y entrâmes à grand-peine. Le conducteur, drôle, alerte et bien vêtu, s'assit sur un raide tablier qui nous coupait les cuisses. Nous étions fort mal. Nous roulions qu'à depuis 10 minutes lorsque la voiture s'arrêta. Une femme se leva d'un fossé et vint prendre place à côté du cocher. C'était la propriétaire de la carriole. Nous avions 9 lieues à faire, nous restâmes 8 heures en route, et nous les eûmes incessamment assis devant nous, sur nos pieds, et tirant de tout leur poids le lambeau de cuir qui bridait sur nos genoux. Le chemin n'était que montagnes et descentes. Le cheval allait toujours au pas, en descendant parce qu'il se défiait de ses jambes, en montant parce que la charge était trop lourde. Oh, comme nous regrettâmes la charrette volante qui nous avait emportés de Pont-Croix à Douarnenez. La bourgeoise et son garçon causaient à voix basse, mangeaient des noix et ne s'apercevaient pas de nos malédictions. Ils paraissaient fort bien ensemble. Elle était veuve, lui solidement bâti, et j'ai ouï dire qu'il était doux d'immoler parfois son veuvage sur l'autel d'un amant musculeux et sentant l'homme. Quoi qu'il en soit, nous arrivâmes enfin et nous sortîmes de cette affreuse machine, courbée, rouée, brisée et plus rompue que si nous avions fait triple route à pied sous le soleil et portant double charge sur le dos. Il y avait un pardon à Guingamp. La ville avait un air de fête et les hôteliers étaient polis. On avait fait des processions, on avait dansé sous les arbres, bu dans les cabarets, prié Dieu au son des cloches, et nous arrivions à temps pour trouver les restes du festin dont chacun s'était régalé. Les bijoutiers ambulants s'abritaient encore dans un coin de la place sous leur cabane de toile, et l'église avait orné son porche de toutes ses magnificences. De la clé de la voûte du plafond ogival pendait une lampe d'argent qui vacillait au bout de sa chaîne. Sur les 2 murailles latérales et vis-à-vis les uns des autres, se tenaient droit dans leurs draperies 12 apôtres de pierre cirée, lustrée, vernie et bistrée d'un singulier badigeon couleur acajou. Le jour qui pénétrait par une fenêtre supérieure tombait d'aplomb sur leurs crânes et les faisait reluire. Des branches de cyprès saignaient leurs têtes, des hommes agenouillés récitaient les oraisons et des fleurs fanées jonchaient les pavés. Entre les 2 portes qui donnent entrée dans l'église, ondoyait un autel de feuillage. Au-dessus, dans une niche faite de buis et de roseaux enlacés, brillait, à l'éclat des cierges, une madone plus païenne 100 fois que la Tosca de Tahiti. Un diadème de clinquant scintillait sur son front. Autour de son cou s'enroulaient des colliers de verroterie et de gros bouquets s'attachaient sur sa poitrine. Sa face brune à reflets cuivrés regardait avec de grands yeux d'émail, immobiles et presque effrayants de fixité. De longs pendants d'oreilles caressaient ses joues, sa main droite, chamarrée de bagues, tenait en même temps un fuseau lié de faveurs bleues, des chapelets à croix de cuivre et un œuf d'autruche enlaidi de houppe rouge. Sa robe blanche, lamée d'argent, fourmillait de dentelles et nouée de rubans roses, s'étalait en cône comme un éventail renversé. Sur le bras gauche, d'où pendait un manipule de pourpre frangé de filets d'or, reposait le bambin divin, vêtu comme sa mère, disparaissant sous les plis d'une écharpe immense et portant à la main un faisceau de fleurs rattaché d'un chapelet à gros grains. La couronne était trop large pour sa petite tête et descendait jusque sur les yeux. Tout cela était plat et collé contre la muraille. Les deux têtes seules étaient en relief. Une seule fois en Bretagne, dans l'église de Josselin, nous avions rencontré une semblable idole. Elle était la miniature de celle de Guingamp et représentait Notre-Dame du Roncier. Comme celle-ci, elle était couverte de faux bijoux, de rubans, de fleurs qui s'éparpillaient sur sa jupe de lampasse rouge. Sa seule vue suffit à guérir les gens possédés du démon qui fait aboyer, et les dames de la ville lui brodent un costume neuf tous les ans. Ce fut dans une église de Guingamp qu'on déposa jadis le corps de Charles de Blois. Ce n'était d'abord qu'une sépulture provisoire. Urbain V avait chargé l'évêque de Bayeux et les abbés de Noirmoutier et de Saint-Aubin d'Angers de faire une enquête sur l'opportunité de la canonisation, et on devait ériger une chapelle au nouveau martyr. Mais Grégoire XI supprima le rapport, à la prière de Jean IV, qui craignait que le vainqueur d'un saint ne passât pour un usurpateur. Nous allions pénétrer dans la nef pour rechercher cette tombe, devenue définitive, lorsque nous entendîmes sur la place un fracas de tambour, de grosses caisses, de cymbales. Vite, nous sortîmes, oubliant Charles de Blois, la Vierge et les saints, et nous courûmes au bruit. Deux grandes tentes de coutil blanc rayées de bandes bleues occupaient le fond de la place. Devant chacune d'elles s'allongeait une estrade où flamboyaient des lampions fumeux. Sur l'une se démenait un mauvais grotesque, entouré d'une dizaine d'écuyers vêtus en lanciers polonais. C'était un cirque. Des tableaux représentaient des chevaux passant dans des cercles de papier et des femmes emportées au galop, les bras arrondis, la bouche en cœur, debout sur la selle et jetant des bouquets. C'était là qu'était la foule. Chacun regardait, s'extasiait, se dilatait par avance du bonheur dont il allait jouir. Sur l'autre, un gars vigoureux dans un maillot rose, portant au cou une médaille d'argent, des brodequins aux pieds et une calotte pailletée sur la tête, s'agitait et soufflait dans un cornet à piston. Parfois, il interrompait sa musique pour crier quelques allocutions en méchant français émaillé d'italien. À ses côtés, un vrai paillasse, en chapeau gris, en perruque rouge, mangeait des étoupes enflammées et faisait la grimace. Une femme battait la grosse caisse et un enfant tapotait un triangle. C'étaient des saltimbanques, danseurs de cordes et faiseurs de tours. Ce fut devant eux que nous nous arrêtâmes. La nuit était venue, le ciel violet comme un dôme d'améthyste resplendissait d'étoiles. Le vent agitait les arbres éclairés par le reflet des réverbères, balancés sur leurs cordes. Du sein de la foule sortait un sourd bourdonnement. Les musiciens sonnaient toujours leur tintamarre que dominait la voix du patronne, annonçant son spectacle. Tout à coup, la muraille de toile s'entr'ouvrit et une jeune fille parut. Elle gravit lentement l'escalier de bois et vint prendre place sur l'estrade. Un spencer de velours noir brodé d'argent serrait sa taille et rejoignait une jupe de gaze blanche à bouquet bleu qui tombait jusqu'à ses genoux. Sa jambe fine, nerveuse, cambrée, s'arrondissait sous les mailles tendues d'un bas de soie, et son pied maigre paraissait tout petit dans son soulier de satin noir. Elle appuyait les poings sur ses hanches en faisant saillir les muscles de ses bras bruns et demi-nus. Elle regardait hardiment autour d'elle et se redressait comme un fleuret lorsqu'elle se voyait remarquée. Parfois, son cou flexible se renversait et secouait les nattes noires de ses cheveux relevés et rattachés par un peigne d'argent. Il y avait autrefois dans l'Hindoustan un roi très riche et très heureux. Un jour qu'elle se promenait dans une prairie au bord du Gange, il vit une bayadère qui dansait en claquant ses doigts. Il la trouva fort belle et voulut la posséder. Il s'en approcha et, lui prenant la main, « Viens, lui dit-il, nous sommes seuls, les herbes sont hautes, je suis le roi et je te donnerai des colliers de perles pour entourer ton cou. » La bayadère refusa parce qu'elle aimait un jeune brahmane. « Oh, reprit le roi, ne me sois pas cruel. De ta cabane je ferai un palais, avec des poutres de cèdre et des portes de santal, et je t'enverrai des esclaves pliant sous le poids des lingots d'or. » La bayadère répondit, « Non. Veux-tu mes éléphants qui savent la chasse aux tigres? Veux-tu mes perdrix blanches, dont les yeux rougissent quand elles sentent les poissons? Veux-tu mon cheval de bataille, qui se nourrit de lotus et porte sur le front une corne d'ivoire. « Non, » dit-elle encore. « Désires-tu la fleur du Talibali qui éclot tous les 100 ans, ou des émeraudes si grandes que tu puisses en faire des coupes pour donner à boire à tes oiseaux favoris ?» Elle secoua la tête et voulut partir. « Eh bien, veux-tu mon royaume, qui s'étend depuis le pays des 5 rivières jusqu'au fleuve Strawadi ?» La bayadère répondit, « Fils d'Indra, je le veux bien. » Ils s'éloignèrent dans la prairie, et ils s'assirent ensemble à l'ombre des bambous. Le lendemain, elle était reine, et le roi quittait sa demeure vêtu du manteau jaune, tenant à la main le bâton d'érable et le vase à bec d'oiseau des mendiants ascétiques. Il alla vivre dans les forêts, et ne regretta jamais d'avoir tout donné pour dormir 1 heure dans les bras de la bayadère. Ah, comme lui, j'eusse tout promis, tout donné pour la voir, cette fille demi-sauvage, qui se tenait debout sur les planches pour sentir les tressaillements de sa jeune poitrine et les chaudes convulsions de son corps. Elle était charmante, avec ses yeux longs à demi-voilés qui sollicitaient l'amour. Il y avait en elle une âpreté vigoureuse qui allait jusqu'au plus profond du cœur. Elle riait des grimaces du paillasse et montrait des dents fines, serrées, blanches, pointues, comme celles qu'au Moyen-Âge devaient avoir les jeunes égyptiennes qui suçaient le sang des enfants nouveau-nés. Son front étroit, à moitié disparu sous ses bandeaux luisants, portait de larges sourcils agités et mobiles, son nez droit, légèrement retroussé sous le cartilage des narines, ses lèvres rouges et minces, son menton ovale, donnaient à son visage une expression d'audacieuse fierté que rehaussaient encore ses poses cavalières.